C'est Bazooka. Yeah. Avec une nouvelle requête. Quoi? Avec une nouvelle requête. Quoi? Avec une nouvelle requête. Ok. Viens pécher, viens pécher, viens pécher. Viens pécher, viens pécher, si t'aimes pécher. Viens pécher, viens pécher, viens pécher. Viens pécher, viens pécher, si t'aimes pécher. Okay. Et viens pécher, ouais. Mais d'abord, fais tes devoirs le soir, pète une merde. Range ta chambre le soir, pète une merde. Va en cours tous les jours, pète une merde. Et fais les courses le samedi, pète une merde. D'accord. Et t'oublie pas le pain. Quoi? T'oublie pas le pain, je te dis. Et brosse-toi les dents. Ouais. Deux fois par jour, je te dis. Et sors le chien, et sors le putain de chien de ta mère. Et ramasse là, la demeure qui lâchait par terre. Et la poubelle, elle va pas se sortir. Pour aller en boîte, n'oublie pas de boire de l'eau, ton corps en a besoin.